Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire sur cette antenne de Fadjet 94.2. On peut également nous écouter en direct un peu partout en Europe grâce au site internet www.fadjet.net. Serge en votre compagnie aujourd'hui pour saluer un artiste qui nous a quitté récemment, le 8 mars dernier exactement. Il s'agit bien sûr de Marcel Amon, que nous allons écouter dans ses plus grands succès durant leur avenir. Nous parlerons de sa carrière, bien sûr, et une petite précision, l'émission consacrée à Petula Clark que je vous avais annoncée la semaine dernière sera diffusée jeudi prochain. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Le chapeau de Mireille. En plein vol, je l'ai rattrapé. Entre Sète et Marseille, quel est le bon vent qui l'avait chipé? Le chapeau de Mireille. Quand en plein vol, je l'ai rattrapé. Entre Sète et Marseille, quel joli vent l'avait chipé? C'est pas le Zéphyr, n'aurait pu suffire. C'est pas lui non plus, là qui l'ont joufflu. C'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus folle et le plus magistral de la bande à Yolanda ou le Mistral. Il me l'a fait connaître aussi dorénavant. Je ne moue plus mon blé qu'à des moules à vent. Dans la jupe à Mireille, on se troussa, on se retroussa, découvrant des merveilles, quel est le bon vent qui s'est permis ça. Dans la jupe à Mireille, on se troussa, on se retroussa, découvrant des merveilles, quel joli vent s'est permis ça. C'est pas le Zéphyr, on aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'ont joufflu. C'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus folle, le plus magistral de la bande à Yolanda ou le Mistral. Il me montra sa jambe aussi reconnaissant, je lui laisse emporter mes tuiles en passant. Quand j'embrassais Mireille, qu'elle se cabra, qu'elle me rembarra, me tira les oreilles, quel est le bon vent qui retint son bras. Quand j'embrassais Mireille, qu'elle se cabra, qu'elle me rembarra, me tira les oreilles, quel joli vent retint son bras. C'est pas le Zéphyr, on aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'ont joué. C'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus folle et le plus magistral de la bande à Yolanda ou le Mistral. Il m'épargna la gifle ci-dessus mon toit, y'avait qu'une girouette, y'en a maintenant trois. Et quand avec Mireille, dans le fossé on s'est enlacé, à l'ombre d'une treille, quel est le bon vent qui nous a poussé. Et quand avec Mireille, dans le fossé on s'est enlacé, à l'ombre d'une treille, quel joli vent nous a poussé. C'est pas le Zéphyr, n'aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'ont joufflu. C'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus folle et le plus magistral de la bande à Yolanda ou le Mistral. Il me coucha sur elle en échange aussitôt, j'ai mis une voile de pluie à mon petit bateau. C'est pas le Zéphyr, on aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'ont joufflu. C'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus folle et le plus magistral de la bande à Yolanda ou le Mistral. Il balaye à ma peine aussi sans lésiner, je lui donne toujours mes beaux à décorner. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Allez, une heure de bonne humeur avec ce saltimbanque de la chanson française, Marcel Amon, chanteur mais également acteur, né le 1er avril 1929 à Bordeaux et donc il nous a quitté le 8 mars dernier. Il a connu le succès surtout dans les années 50 jusqu'aux années 70 avec des titres tels que Bleu, Blanc, Blond, Le Mexicain, Dans le cœur de ma blonde, tout ça on va l'écouter dans leur avenir, de son vrai nom Marcel Miramon. Alors ses parents étaient paysans installés dans la capitale girondine, puis ils se sont reconvertis, le papa en employé de chemin de fer et la maman en infirmière. Marcel, il hésite après le baccalauréat entre le professorat d'éducation physique et le conservatoire d'art dramatique. La comédie, puis finalement la chanson l'emporteront sur le sport. À la fin de 1950, ayant fait le tour des activités artistiques bordelaises, il part pour Paris où il se fait peu à peu un nom dans la plupart des cabarets des deux rives. On peut citer Villa d'Est, La Fontaine des Quatre Saisons, etc. En 1953, il fait la tournée de Jean Nohain en première partie de Philippe Clay. Il doit passer à cette époque un an en sanatorium et ce n'est qu'en 1956 qu'il rencontre véritablement le succès. Son premier disque Escamillo est un tube. On l'écoute tout de suite et puis j'ai cité juste avant Philippe Clay, ce sera cigarette, whisky et petite pépée. Voici l'histoire du célèbre toréador Escamillo, telle qu'elle m'a été racontée par un beau soir d'été. Un beau soir d'été où il y avait beaucoup de mouches, dans un petit village de la Sierra Morena. Escamillo bombo. C'était un grand torero d'Espagne qui n'avait jamais vu qu'un taureau. Un charmant taureau venu de Cerdagne, un gentil taureau doux comme un agneau. Pourtant, malgré 20 ans de patience, torero pouvait pas le tuer. La foule à chaque fois lui faisant confiance se disait, cette fois il va y arriver. Escamillo, oh, Escamillo, oh, sous les yeux des belles madrilènes entrait dans l'arène. Escamillo, oh, Escamillo, oh, sans se perdre dans les détails, se mettait au travail. Comme il ne savait pas s'écarter, c'était le taureau qui l'évitait. La foule criait d'admiration, le taureau saluait sous l'ovation. Escamillo, oh, oh, Escamillo, oh, oh, c'était le roi de la corrida dans toute l'Espagne. Anda! Escamillo, bom, bom, bom, bom, bom. Version française. De l'Andalousie à la Cerdagne, chacun voulut voir Escamillo. Partout le public des villes et campagnes voulut applaudir le grand torero. Si bien qu'on organisa sans peine à Madrid une grande corrida. Le grand Escamillo reçut dans l'arène un taureau furieux qui était haut comme ça. Esca accomplit tant perdre haleine, 12 tours d'arrêt. Sentit le taureau sans plus de façon lécher ses talons. Puis par une lente ascension, il grignotait son pantalon. Quand il arriva au caleçon, vers la fin, ça devient nettement une chanson olé olé. Quand il arriva au caleçon, les femmes crièrent d'admiration. Enlevez-le, enlevez-le. Mais non, pas le taureau, le caleçon. Voilà. Oh, Escamillo. Oh, Escamillo. Oh, ce fut le roi de la corrida dans toute l'Espagne. Ah, oh, Fadjet. Coup de cœur. À Nancy, sur 94.2. Je sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. On dit que l'alcool, c'est pas bon pour le foie. Quant aux petites pépées, c'est fatal pour le cœur. Les trois à la fois, y'a pourtant rien de meilleur. Cigarettes et whisky et petites pépées nous laissent grogner et nous rendent tous cinglés. Oui.

Alors il entame dans les années 60 avec de nouveaux tubes, il continue sa carrière à l'image des Bleuets d'Azur et surtout du tube Dans le cœur de ma blonde l'année suivante. En 1962, il donne son premier récital à Bobino pendant 3 mois et demi à guichet fermé. Outre ses propres textes, il interprète plusieurs chansons signées Claude Nougaro, notamment le Balayeur du Roi, Porte-Plume, le Tango des Jumeaux, le Jazz et la Java. La même année, Charles Aznavour lui signe Le Mexicain. Il rencontre un immense succès, étant classé plusieurs semaines numéro 1 des ventes. Ce tube est considéré comme le plus grand de sa carrière et on l'écoutera en toute fin d'émission. Il lui écrit ensuite « Moi le clown » qui rencontre un certain succès également. En 1965, il est de retour à l'Olympia pour 5 semaines. Innovation très remarquée dans sa mise en scène, il fait évoluer autour de lui des danseuses. Cette même année, il signe « Maria et le Potolé », chanson fantaisiste qui sera classée également dans les charts. Le 1er octobre 67, il anime la première émission en couleur de l'histoire de la télévision française. Ça s'appelait « À mon tour ». On l'écoute dans « Le cœur de ma blonde », puis Claude Nougaro, je l'ai cité tout à l'heure, le jazz et la java, bien sûr. Dans mon cœur, posé sur le cœur de ma blonde, dans mon cœur, je viens d'entendre à la seconde, dans mon cœur, la plus jolie chanson du monde, celle que ma blonde a dans son cœur. Dans son cœur, la mélodie tournée s'envole vers mon cœur, pour devenir la chanson folle de nos cœurs. Et nous inventons les paroles que l'on chante à deux sous le ciel bleu. La la la, la la. Posé sur le cœur de ma belle, dans mon cœur, vient de glisser dans un bruit d'aile, dans mon cœur, le bleu d'un vol de tourterelle, celui que ma belle a dans son cœur. Dans son cœur, dont la mélodie vagabonde vers mon cœur, passé se faufile à la ronde, dans les cœurs de tous les amoureux du monde qui chantent joyeux sous le ciel bleu. La la la, la la la, la la la, la la la la, la la la, la la la, la la la, la la. Dans le cœur d'un vaisseau lancé dans l'espace, dans le cœur d'un char de feu qui se déplace, dans le cœur de l'infini qui nous dépasse, un homme qui passe dans son cœur. Dans son cœur, une petite chansonnette que le cœur d'une blonde a mis dans sa tête. Et le cœur des amants de toutes les planètes lui répond joyeux du fond des cieux. La, la. Cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béard en solo de batterie, V'là la Java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la Java s'en, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Pour moi, jazz et Java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et Java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomène, la Java dit gomme. Mais quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Jazz et Java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Sachez que si vous nous découvrez, si vous découvrez Fadjet aujourd'hui, si vous découvrez notre émission Coup de cœur, que vous êtes de passage sur la région Lorraine, vous pouvez, même que vous habitiez Lille, Dunkerque, Tours, Nice, Montpellier, Paris, vous pouvez nous retrouver 24 heures sur 24 et en direct sur Internet. Fadjet sur Internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. On revient à Marcel Amont. En 1970, et il passe à l'Olympia toujours en compagnie de ses danseuses et choristes, mais il s'entoure de cascadeurs et utilise des écrans géants pour certaines mises en scène. Il était très avant-gardiste quant à l'organisation de ses spectacles, et ça, on le souligne pas assez souvent. Très avant-gardiste. Le succès est tel que le spectacle dure 100 jours. Il incarne alors le jeune chanteur dynamique, souriant et léger, au répertoire à la fois scénique et populaire. En 1971, il enregistre « L'amour, ça fait passer le temps » qui est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Suivent avec un succès plus modéré « Monsieur » et « Benjamin le Bienheureux » écrit notamment par Éric Chardin. En 1974, il est l'animateur de l'émission dominicale « Tout en Camon ». Et en 1975, il crée sa comédie musicale « Pourquoi tu chanterais pas ?» au Théâtre des Bouffes Parisiens à Paris, mais il faut bien avouer que celle-ci ne rencontre pas le succès. Alors qu'il se retrouve dans le creux de la vague, son ami Georges Brassens lui donne la chanson « Le chapeau de Mireille » qui devient un classique. On l'a écouté en début d'émission, on va retrouver Marcel Amont, « L'amour, ça fait passer le temps », un de ses plus grands succès, et puis le fameux « Chapeau de Mireille », cette fois-ci revisité par Maxime Le Forestier. Bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, pour se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Il pleut ma mère dans mon grenier, les tuiles, c'est le vent qui les a emportées. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. J'avais des poules au poulailler, c'est le renard qui cette nuit les a mangées. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour. La vie, l'amour, ça fait passer le temps. C'est bien dommage.

et il continue à se produire sur scène durant la décennie et on le voit encore souvent à partir des années 2000. Bleu, blanc, blond, c'est maintenant. Et puis, ben, je vous propose d'aller faire un petit tour à Lourdes avec les Vamps. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand j'ai besoin de vacances, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. Je m'embarque dans tes yeux. Bleu, bleu, comme un ciel immense, et nous partons tous les deux. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand le vent claque la toile de ton joli jupon blanc, blanc, blanc, comme une voile, je navigue éperdument. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Tes cheveux d'un blond de rêve, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, déferlent un flot léger, blanc, blanc, sur une grève où je voudrais naufrager. Et ouais. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais c'est bien l'autocar pour Lourdes. Je crois. Oui, merci, vous êtes gentil. Hein. Ah, bon, bah, je vais aller m'installer. Hein. Oh, bah, il y a le club des joyeux moutons qui est là. Ah, bah, il y a Mme Kama et Mme Badrignan. Je vais me mettre à côté, on sera ensemble. Hein. Ben voilà, voilà, voilà. J'ai toujours jamais suicidé. Ouh! Oh, bleu! Très haut, ballot! Mais qui démarre, lui? Un peu plus, je l'aurais pas eu, non? Ah non, mais j'en peux plus, dites, hein? Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, je vais laisser la santé, hein? Oh là là! Ouh! Gisèle! Je suis là! Ah oui? Qu'est-ce que vous faites à boire avec les vieux? Oui, ben, j'avais pas vu, oui. Non, mais à l'avant du car, j'ai moins mal au cœur, hein. Et regardez, j'ai amené Jean-Luc et Geneviève. Ah, ben, ça va être gai, ça, tiens. Saloperie d'oiseau. Et Gisèle? Ouais. Vous savez que Mme Gouraud, elle a enterré sa mère la semaine dernière. Ah, ben, tant mieux. Oh, ben moi, j'ai marié mon neveu. Ah, celui-là qui est au PTT? Oui, samedi dernier qu'on l'a marié. Marqué, il était temps, hein? 48 ans. Enfin, c'est fait maintenant, hein? Ah, ben... Oh, ben, j'ai pas été invité. Et avec qui que vous l'avez marié? Avec la petite au carleur. Qui ça? La petite au carleur. Ah, ben, il est 10h15. Tant mieux, moi aussi. Au fait, oui. Où que ça en est avec votre Lino? Ah ben, ils ont déjà fini l'entrée. Mais ils ont des problèmes avec leur bourg, là où ça fait le coin. Enfin, c'est comme ça, puis c'est tout, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Oh, bien grave. Oh, Gisèle, hein? Vous savez que Mme Forger, elle est toujours dans le coma? Ah, ben, j'espère qu'elle a beau temps. Dites voir, elle est pas là l'animatrice aujourd'hui? Ben on l'a pas retrouvée, hein? Depuis qu'on l'a perdue aux autres Vincennes. Ah zut! Je vais encore être obligée de faire l'animation moi-même, hein? Oui. Allez, où c'est parti, on y va, va. Allez, t'es. Alors, prêt pour le cri de guerre? Oui! Joyeux mouton, joyeux mouton, joyeux mouton! Bé, bé, bé! Ben, qu'est-ce qu'ils ont là? Ils sont tous endormis ou quoi? Alors comment si je m'attends tout le monde? Joyeux mouton, joyeux mouton, joyeux mouton! Bé, bé, bé. On leur fait faire n'importe quoi, hein? Ben écoutez, moi je trouve que c'est dommage qu'elles se soient séparées. Les vampes, moi ça me faisait bien rire. On revient en 2006, on avance. Marcel Amont est de nouveau présent avec un nouvel album, Décalage horaire, signant des duos avec Agnès Jaoui, Gérard Darmon, Didier Lecoud, notamment. En 2007, il retrouve l'Olympia, 50 ans après son premier passage, et participe l'année suivante à l'enregistrement d'Enfantillage, un album pour enfants d'Aldebert, qu'il rejoint notamment à l'Olympia. Entre 2008 et 2010, pendant 2 ans, il est l'une des têtes d'affiche de la tournée H-Tendre, la tournée des idoles, pour les saisons 3 et 4, notamment en compagnie d'une autre étoile du musical, qui est également son amie, puisqu'il s'agit d'Annie Cordy. En octobre 2009, il fête ses 80 ans par une série de récitals à la Grande Comédie à Paris. On l'écoute avec Agnès Jaoui dans un duo Décalage horaire, puis son amie Annie Cordy, la bonne du curé. Depuis ce fameux soir où le printemps m'a choisi comme otage, j'espérais vous revoir et juste un peu vous sourire au passage, ou m'attraper au vol, bien qu'il soit déjà tard sur ma terre. J'ai perdu la boussole depuis notre regard en décalage horaire. Depuis ce fameux soir, le temps s'est emmêlé les fuseaux. J'aimerais vous revoir et juste un peu vous sourire en écho. On ne se dit à rien. J'ai posé sur la table un choker. J'ai pas cherché plus loin que ce regard en décalage horaire. On se mène en bateau. C'est comme un drôle de voyage. Ou d'oiseau. Drôle d'équipage. Fin du voyage, ce dommage. Dommage. Mmh. Hey. Mmh. Mmh. Mmh. Hey. Et si moi je m'en fous de ce qu'on pourrait dire sur nous deux, j'ai envie de vous, de vous voir me séduire juste un peu. Ce serait tellement bien de partir au soleil en plein hiver jusqu'au printemps prochain. On se ferait très vite au décalage horaire. On se met en bateau. C'est quand même un drôle de voyage. Un peu trop en décalage. C'est dommage. Dommage. Da-da. Da-da. Da-da. Da-da. Da-da. Da-da. Da-da. Da-da. C'est dommage. et zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou trou, mais il paraît que pour faire la quête ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. C'est la fête, j'en perds la tête. Je voudrais aller danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les bouées. Et qu'un beau gars me compte fleurette avec des disques à succès. Car les cantiques, ça ne vaut pas Claude François. En 2010, Marcel Amont participe à l'album pour enfants Les larmes de crocodile d'Emma Domas, écrivant plusieurs textes et chantant en duo avec elle sur des musiques de son fils Mathias. En 2012, après la publication d'un livre de souvenirs intitulé « Sur le boulevard du temps qui passe », il publie « Il a neigé », un livre illustré des photos issues principalement de ses albums personnels. Il effectue sa rentrée parisienne à l'Alhambra le 25 novembre pour fêter ses plus de 60 ans de carrière en fait. Il propose un spectacle vivant entre le stand-up et le tour de chant. En mars 2014 paraît son septième livre « Lettres à des amis » qui rassemble des lettres fictives envoyées aux personnes qu'il aime et qu'il a connues pour la plupart. Parmi les destinataires, Charles Aznavour, Maurice Chevalier, Yves Montand, Alain Souchon, François Morel, Antoine Decaune, entre autres. De novembre 2016 à février 2017, il participe au 10e anniversaire de H Tendre, la tournée des idoles, puis à la croisière de la même tournée en novembre 2017. À la fin de cette même année, sort son 8e livre. À l'ombre de la fontaine, préfacé par François Morel et André Bercoff. En 2018, il n'arrête pas, il lance un nouveau spectacle, Marcel raconte et chante Amont, qui mélange stand-up et tour de chant dans lequel il se confie sur sa vie. Il s'installe d'octobre 2018 à avril 2019 à l'Alhambra de Paris, tous les dimanches. Le 12 octobre de cette même année, il sort un nouvel album, Par-dessus l'épaule, où il reprend ses succès avec certains de leurs auteurs, dont Charles Aznavour, précision importante, qui signe là son dernier enregistrement, mais également avec Alain Souchon, Maxime Le Forestier, Aldebert, Francis Cabrel, François Morel et son propre fils Mathias. Le 2 avril 2019, il fête ses 90 ans, lors d'un concert exceptionnel à l'Alhambra, en compagnie d'une vingtaine d'invités, dont Maxime Le Forestier, Serge Lama, Laurent Baffy, Gérard Lenormand, Nicoletta, Bernard Montiel, Gérard Darmon, Michel Jonas, Christophe François Morel, Raphaël Mézari, Michel Thor, Georges Chelon et André Bercoff. Et le 15 mai 2019 paraît son 9e livre, Les coulisses de ma vie, écrit à quatre mains avec son fils Mathias. On l'écoute, ce duo qui était le dernier enregistrement avec Charles Aznavour de son grand succès Le Mexicain. La dernière partie de cet hommage, cette émission hommage à Marcel Amont. Au début des années 2020, il est considéré avec Lynn Renault et Hugo Frey, vu son âge, comme un des derniers grands représentants du musical en France. Et le 20 février 2020, il est président du jury du 10e prix Georges Moustaki. En octobre de cette même année, il écrit un texte pour saluer Gilles Dreux, dédicace à mon ami, sur l'album Le Comptoir des Amis. En janvier 2021, paraît son 10e livre, Mirlitontaine et chansons oubliées, illustré de dessins de l'auteur. Et en octobre, il publie pour la première fois un roman, Adieu la belle Marguerite. Sachez que Marcel Amont a été marié à deux reprises, de 1956 à 1959 avec Tamara, avec qui il a eu deux enfants, Katia et Alexis, et de 1977 jusqu'à son décès avec Marlène Laborde, qui est devenue son agent. Le couple a une fille, Romélie, et un garçon, Mathias. Pas d'obsèques publiques pour Marcel Amont, mais simplement une crémation et une cérémonie dans la plus stricte intimité. C'est ce que souhaitait l'artiste, qui est donc décédé à 93 ans, le 8 mars dernier. Le public, sachez-le, a pu cependant lui rendre hommage, car un adieu public a été organisé du 15 au 19 mars au funérarium de Nanterre. Allez, on se quitte en public avec le Mexicain, version live, enregistrée lors d'un spectacle à Chambre. C'est fini pour aujourd'hui. L'aventure continue la semaine prochaine, bien sûr, à partir de 17h avec Pétula Clark à l'affiche. D'ici là, passez une excellente semaine et puis restez à l'écoute de nos programmes sur Fadjet 94.2. Salut!